Bien, nous sommes quasiment, ou casi, pour utiliser le mot espagnol, arrivés à la fin de cette première partie sur les transformaciones qui vous aident à retrouver des mots équivalentes en espagnol. Mais avant d'entamer la deuxième partie de cette méthode, il nous reste encore quelques trucs et astuces à voir. Les mots se terminant par if, if, finissent le plus souvent par ibo en espagnol, ivo. Et au féminin, ive devient iba, iva. Donc, si positif se dit positivo en espagnol, comment direz-vous exclusif? C'est effectivement exclusivo. Révise-le, s'il vous plaît. Exclusivo. Exclusivo. Si une personne se dit una persona, P-E-R-S-O-N-A, comment diriez-vous? Maria est une personne très positive. Maria es una persona muy positiva. Maria es una persona muy positiva. Et comment diriez-vous, c'est une personne très négative? Es una persona muy negativa. Es una persona muy negativa. Maintenant, comment diriez-vous, la situation est très conflictive? La situación es muy conflictiva. La situación es muy conflictiva. Voyons d'autres exemples juste pour s'amuser. Comment diriez-vous abusif? C'est bien abusivo. Donc, comment traduiriez-vous en utilisant precios, P-R-E-C-I-O-S pour prix? Ces prix sont abusifs. Bien! Estos precios son abusivos. Redite la phrase, s'il vous plaît. Estos precios son abusivos. Estos precios son abusivos. Et comment dit-on imaginatif? Oui, c'est tout à fait ça, imaginativo. Donc, comment diriez-vous, sans traduire le « de » après « positif » C'est positif d'être imaginatif. Bravo! Es positivo ser imaginativo. Especialmente cuando está inventando su vocabulario en español. Voyons si vous êtes imaginatif. Comment diriez-vous? Le bébé est très réceptif. El bebé es muy receptivo. El bebé es muy receptivo. Bébé se dit effectivement bébé, B-E-B et accent aigu. J'espère que vous vous êtes lancé et avez dit bébé, même si vous n'étiez pas à 100% sûr. Je vous rappelle que l'accent sur le deuxième E dans le mot espagnol bébé indique où il faut insister à l'oral. En français, nous n'avons pas ce problème, vu que l'on insiste toujours sur la dernière syllabe. Mais en espagnol, on insiste sur une syllabe différente pour chaque mot. En français, l'accent sur le « e » sert à déterminer s'il faut dire « et » ou « est », mais pas en espagnol. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'existe qu'un accent écrit dans cette langue. Dans tous les cas, n'ayez pas peur de faire des fautes. Apprendre une langue, c'est comme apprendre à faire un sport. Il faut être constant. On ne vous demandera jamais de savoir faire du patin à glace en une seule journée. Et tomber fait partie du jeu. Donc, comme Michel Thomas le conseillait, relaxez-vous et lorsque vous commettez une erreur, apprenez de cette erreur. Corrigez-la et avancez. Bon, je ne peux pas m'empêcher de vous proposer un autre exemple avec Ibo. Comment diriez-vous? Il est impératif que tu viennes demain matin, Roberto. Demain matin est une expression assez curieuse en espagnol, puisque l'on répète deux fois le même mot. On dit « mañana por la mañana ». Mañana, M-A-N avec un tilde, A-N-A, signifie en effet à la fois « demain » et « matin ». De nouveau, dites-moi, il est impératif que tu viennes demain matin, Roberto. Es imperativo que vengas mañana por la mañana, Roberto. Es imperativo que vengas mañana por la mañana, Roberto. Avez-vous su déjouer le piège? Êtes-vous passé comme un français au subjonctif? On utilise souvent ce temps, mis à part après des verbes exprimant une volonté, un doute, un espoir, une opinion, après des constructions comme « il est impossible que », « il est préférable que », qui expriment d'ailleurs souvent une opinion. Autrement, si vous voulez dire « demain après-midi » au lieu de « demain matin », vous emploierez « mañana por la tarde ». Et comment traduiriez-vous « demain soir » ? C'est bien « mañana por la noche », n'est-ce pas, Roberto ? Sí, mañana por la noche. Mañana por la noche.